y a des grands qui m'ont piqué mes billes. Y a des durs qui m'ont fait mal au cœur. Y en a même qui m'ont traité de fille quand j'avais l'âge des crayons de couleur. Y en a qui m'ont volé mon cartable. Un jour où j'y avais mis des fleurs que je voulais offrir à ma mère à table quand j'avais l'âge des crayons de couleur. Alors j'en prenais un rouge, un jaune, un bleu. Je dessinais pour eux un grand ciel, un soleil, une ruche et ses abeilles, le début d'un arc-en-ciel et des milliers d'hirondelles. Un grand ciel, un soleil, un cerf-volant sans ficelle, le début d'une ritournelle qu'un enfant sur son violoncelle. Ils peuvent toujours me filer des taloches. Y a plus de chocolat dans mon 4 heures. Et je flâne ma vie, mes deux mains dans les poches. J'ai toujours l'âge des crayons de couleur. De temps en temps j'en prends un rouge, un jaune, un bleu. Et je fais de mon mieux. Un grand ciel, un soleil, une ruche et ses abeilles, le début d'un arc-en-ciel et des un grand ciel, un soleil, un cerf-volant sans ficelle, le début d'une ritournelle que je joue sur mon violoncelle. Un grand ciel, un soleil, une ruche et ses abeilles, le début d'un arc-en-ciel et des milliers d'hirondelles. Un soleil, un cerf-volant sans ficelle, le début.